Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'ITIS, est avec nous pour la chronique TI, technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et là, aujourd'hui, tu nous parles de capteurs. Exactement. En fait, c'est qu'il y a une nouvelle assez intéressante qui est sortie du côté de l'Université Laval. Un chercheur qui s'appelle Younes Messadec du Centre d'optique photonique et laser qui a développé une fibre qui peut être intégrée à des vêtements et qui vont permettre de capter et de transmettre les informations biomédicales sur les personnes qui les portent. Donc, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, des textiles intelligents, au bout du compte, des vêtements sans fil. Donc, ah oui, ceux qui donnent de l'information. Là. Oui, exactement. Oui. Ben, c'est que dans le fond, au bout du compte, tes vêtements seraient pas juste en coton ou en laine, mais seraient en coton et en fibre optique. Oui. Exemple. Et évidemment, c'est pas évident non plus de créer justement une fibre comme ça qu'on est en mesure de tisser, parce que ça reste de la fibre optique. Oui, c'est ça. C'est comme un fil, là, comme un sapin, moi, fibre optique, là. Je me vois pas faire des vêtements avec ça. Et exactement. Donc, eux sont en train de développer ça. Et une fibre aussi qui peut être lavée. Ce qui n'est pas évident non plus. Ouais, hein, finalement, il y a plusieurs problèmes avec ça. Il y a plusieurs problèmes et essentiellement, eux ont fait une démonstration dans un magazine qui s'appelle Sensors. Ils ont développé une fibre qui est en mesure d'agir comme capteur et comme antenne. Donc, ils peuvent modifier la surface de la fibre pour qu'elle capte des informations sur le taux de glucose, sur le rythme cardiaque, sur l'activité cérébrale, sur les mouvements, les coordonnées spatiales, etc. Donc, chaque fibre peut avoir sa fonction qui lui est propre. Et la fibre résulte, en fait, de la superposition de plusieurs couches de matériaux, donc du cuivre, un polymère, du verre, de l'argent. C'est une fibre qui est à la fois résistante et malléable. On peut la tisser avec de la laine, du coton. La qualité du signal qu'elle produit est comparable à celle d'antenne commerciale aussi, donc ça marche très bien. Mais parce que c'est une technologie par laquelle on passe le câble, la télévision, Internet. Exactement, donc quand même. Wow, un chandail Internet. Et dans le fond, l'idée, c'est assez pratico-pratique dans la mesure où, bon, d'un côté, par exemple, on a des gens dont il faut faire un suivi assez constant, si on peut dire, monitoring en santé, du rythme cardiaque, du taux de glucose, justement, des éléments comme ça, ben, ils ont simplement porté un vêtement qui est connecté. Donc, ça devient quelque chose qui n'est pas intrusif, qui n'est pas plus lourd. On n'a pas besoin d'avoir des instruments de mesure, d'être constamment plugé dans les machines et le reste. Ça envoie le signal automatiquement par la suite. Donc, exemple, pour le traitement de soins à domicile, pour garder les gens plus autonomes possible, ça peut être intéressant. Mais tu parlais de taux de glucose pour ceux qui ont le diabète, par exemple. On a en temps réel les données de notre glycémie. Oui, pour suivre les conditions de santé d'un enfant, d'un nouveau-né. Au niveau santé, ça peut être intéressant. Une doudou à fibre optique. Oui, ben, ou un petit chandail. Oui, aussi. Un cache-couche, oui. Au bout du compte. Et aussi, d'un point de vue militaire, par exemple, on intègre ça, par exemple, à l'uniforme des soldats. On sait constamment où ils se trouvent. On sait leur rythme cardiaque, s'ils sont vivants, morts, stressés. S'ils ont des baisses, on peut réagir, on peut intervenir. Et on a vraiment un suivi géolocalisé des troupes. Ça peut être aussi quelque chose qui est envisageable. Et ça, oui. C'est possible grâce à ce type de matériel. Et on peut suivre peut-être notre copain ou notre copine si on est hyper jaloux. On lui offre ça à Noël. On tombe dans le côté moins drôle de la chose. Mais on se dit des petites blagues de temps des fêtes. Et évidemment, avec des capteurs comme ça, avec une nouvelle comme ça, ça m'a donné envie d'aller farfouiller, voir un peu récemment qu'est-ce qui est sorti aussi au niveau des capteurs, qu'est-ce qu'on fait d'autre. Parce que reste que ça devient justement, disons, une issue de plus en plus intéressante pour développer des nouvelles approches, développer de nouveaux produits. Des textiles intelligents, c'est gros, c'est énorme, évidemment, c'est intéressant. Si les gens veulent en savoir plus, d'ailleurs, il y a un petit article du fil de l'Université Laval qui est sorti, on l'a mis en page près de la page d'accueil de notre site web aussi sur itis.laval.ca. Et sinon, ben, d'autres petits clins d'œil, notamment l'idée de la météorologie participative. Avec des capteurs, évidemment. Bon, on sait... C'est quoi, si notre chandail est mouillé, on sait qu'il pleut? Ben, c'est plutôt avec le téléphone sans fil. Okay. Veux pas, il y a une météo là-dessus aussi, il y a des capteurs météorologiques qui existent, il y en a certains qui sont mis un peu comme dans ton automobile. Je veux dire, il y a un capteur météo qui est là-dedans, qui donne la température. Pas dans la mienne, là, mais dans certains modèles. Et donc, dans le fond, l'idée, c'est d'essayer de tirer parti de la généralisation de ces capteurs-là et des nouvelles générations de capteurs pour multiplier les observations, les mesures. Et donc, les climatologistes sont tranquillement en train de développer des outils, des manières d'utiliser les données, de les modéliser aussi. Il y a des très gros projets qui existent dont on pourra reparler un peu plus. Mais pour l'instant, un petit inventaire de propositions du côté de la France. Alors, notamment, il y a une start-up qui s'appelle NetNamo qui a lancé en septembre, il y a quelques années déjà, une station météo personnel connecté au téléphone intelligent, donc qui a une mesure pour l'environnement intérieur et extérieur. Il y a une société britannique aussi, Open Signal, qui, elle, a fait une application qui s'appelle Weather Signal, et elle, cette application-là, recueille des données issues de capteurs de température présents dans les smartphones, dans les téléphones intelligents. Elle agrège leurs données issus d'un grand nombre de smartphones. Et ensuite, eh ben, on dresse une cartographie hyper locale de la température. Donc, on peut savoir, par exemple, s'il y a une cinquantaine de personnes qui ont l'application dans le quartier Limoilou, exemple, eh ben, on sait à peu près, dans le fond, en fonction des lieux où ils se trouvent, ben, quelle température il fait dans les différents endroits. Donc, on peut faire une vision un peu plus détaillée, si on peut dire, du quartier. C'est précis, là. Oui, c'est précis. Ben, à la limite, en fait, s'il y a trois ou quatre personnes qui sont dans différentes rues, je pense qu'on en a suffisamment pour dresser un petit comparatif et dire, ben, OK, il y a 0.01 degré de différence entre telle rue et telle rue, etc., etc. En parallèle, en 2013, il y a une application qui a été lancée par une start-up danoise qui s'appelle RoboCat, qui ont fait, eux, un accessoire capable d'analyser la température. C'est une espèce de sonde thermique qui se fixe sur la prise micro du téléphone intelligent. Et on fait donc une analyse des données, on peut la visualiser, donc un peu dans le même esprit. Donc l'idée d'avoir plusieurs personnes qui ont une application comme ça, qui peuvent mesurer la température. Et il y en a un autre aussi, une démarche qui s'appelle StormTag, un accessoire de la taille d'une pièce d'à peu près, mettons, 1$, 2$, qui intègre une sonde de pression atmosphérique, un thermomètre, un capteur UV, un capteur d'humidité. Et essentiellement, avec ça, on peut avoir des mesures quand même assez précises et les agréger, parce que c'est là l'intérêt. Les données recueillies par ces capteurs-là, exemple, s'actualisent en temps réel. L'application envoie des alertes en cas de changement inopiné de la pression atmosphérique qui annonce des précipitations ou des orages. Les données sont stockées sur des serveurs. On peut faire des tangentes, etc., etc. Donc, ça devient assez stimulant. Au Canada, il y a aussi, je disais justement, on faudra s'en reparler. Je pense qu'il faudra s'en reparler, point. Il y a Environnement Canada qui fait des modélisations assez éclatées aussi au niveau de la température, des tendances météorologiques au pays. Là. Elles sont assez intéressantes. Ah, ce sera à suivre, certainement. Mais on va s'en reparler. Oui, ben, c'est sûr. Et en parallèle, évidemment, il y a des gens comme ça qui se promènent. Ben, nous, on se promène dans les quartiers, mais il y a des gens qui se promènent aussi de manière un peu plus spontanée et régulière. Les facteurs. En France, c'est l'année dernière, mais je suis tombé là-dessus et ça m'a fait sourire. C'est un projet pilote qui avait été lancé par La Poste et il proposait, dans le fond, d'intégrer aux facteurs une mission de relevé géographique pour le compte des collectivités. Donc, l'idée, c'est qu'on fournit, dans le fond, un téléphone intelligent aux facteurs et eux, pendant leur tournée de distribution, saisissent des données à différentes étapes, à différents moments, pour différents points géolocalisés, et ensuite ben, pouvoir aller chercher des outils de mesure intéressants, puis de profiter justement de créneaux réguliers, du fait qu'ils ont toujours à peu près le même parcours qu'ils font à tous les jours, avec toujours les mêmes points, mais pour aller chercher justement des données hyper locales, encore là, sur différents éléments, différents points, donc de profiter du fait qu'ils sont déjà présents, puis qu'on n'a pas besoin ben, d'avoir une autre personne qui fait ce circuit-là. Non, c'est pas au Canada qu'on pourrait faire ça, on coupe dans les facteurs. Et en parallèle, en fait, c'est une étude, cette fois-ci, de l'université d'Edelberg, un chercheur qui s'appelle Bernd Ress, qui, lui, a commencé à faire une proposition d'installation de capteurs sur les citadins d'une ville et ben, de pouvoir ensuite profiter de ça pour repenser un peu l'urbanisme. Donc, à la limite, on pourrait presque parler d'un urbanisme de données, pourquoi pas. Évidemment, c'est une expérience pour l'instant. Là. Il récupère les données à partir des objets connectés portés par les utilisateurs. C'est un peu du principe des capteurs citoyens. On a un objet connecté, mais cet objet-là mesure systématiquement les émotions et le niveau de stress des personnes. Alors, en fait, l'observation est remise au premier plan aux citadins et aux chercheurs. Et dans le fond, les chercheurs, eux, à partir de ces informations-là, peuvent ni plus ni moins que représenter la ville de la manière par laquelle elle est vécue par les citoyens. Le niveau de stress des piétons d'une rue à l'autre, l'utilisation d'un parc, l'intensité des pics de stress des cyclistes, des éléments comme ça. Donc, comment émotivement on vit quand on se déplace dans la ville? Ça, j'aime ça. Est-ce qu'il y a des tendances qui peuvent ressortir de ça? C'est où les gens ont le plus peur? Ben, pourquoi? Oui, ils ont peur. Après ça, c'est l'autre sous-question. Ben, c'est ça. Non, je trouve ça vraiment très intéressant, par exemple, de relier les émotions, parce qu'on parle de plus en plus de places, par exemple, où il fait bon vivre. Ben, pourquoi? Est-ce que ce sont vraiment des émotions ou c'est juste parce qu'il y a des arbres puis on est. Ben, en fait, est-ce que c'est des places. Une publicité où, à partir de ça. T'sais? Est-ce qu'il y a des places où je me promène puis subitement mon niveau cardiaque baisse, mon niveau de stress baisse parce que l'environnement urbain me calme? Pourquoi me calme-t-il? Est-ce qu'il y a des artères, des zones où l'environnement urbain me stresse? Alors, l'idée, dans le fond, c'est vraiment d'analyser les comportement tel que le rend possible la captation de données biologiques. Donc, le petit outil porté par les utilisateurs permet de mesurer la conduction de la peau, la température du corps, les variations de la pulsion cardiaque. La pulsion qui, elle, évidemment, varie selon les ressentis émotionnels. Alors, les deux indicateurs principaux, c'est le temps qui sépare deux réactions de stress, la durée moyenne des réactions de stress aussi. C'est important, ça, oui. C'est important. Donc, on peut isoler, par exemple, des pistes cyclables plus dangereuses que d'autres en analysant les données de stress. On peut découvrir que les pulsions cardiaques des cyclistes augmentent systématiquement sur une partie de la route. Donc, de cette manière-là, on peut mieux comprendre comment les citoyens vivent, les rues qu'ils évitent, les comportements stressants pour les piétons ou les cyclistes. Et aussi, la véritable utilité, tu le disais, des espaces verts, des parcs, l'utilisation détaillée dans le temps, etc., etc. Et dans un article auquel l'un des chercheurs du projet de recherche avait participé, la conclusion suivant laquelle le stress éprouvé lors de la traversée d'une rue dépendait de la qualité des trottoirs et des voitures garées sur le côté de la rue avait été éprouvée, on peut dire. Donc, en complément de ça, il y a aussi une deuxième partie à cette étude-là. C'est l'idée d'aller chercher les données en libre accès des réseaux sociaux. Donc, pouvoir mettre en place une espèce d'algorithme d'intelligence artificielle, si on peut dire, là, qui récupère les contenus postés sur les réseaux les plus utilisés et grâce à une interprétation du contenu avec la géolocalisation de ce contenu-là et avec les heures, donc pouvoir ancrer vraiment les données dans le réel, ouais. Ils viennent valider les données réelles. Ils viennent enrichir, dans le fond, les données qu'on a captées sur les gens qui étaient physiquement là avec les capteurs. Et là, en plus, on a tweeté, on a donné des informations, on a peut-être fait une réflexion sur la rue, donc on cherche un peu en fonction du vocable, et ça nous permet peut-être aussi d'enrichir un peu le contexte événementiel qui a amené justement des réactions de stress accrues. Donc, ça vaut la peine d'essayer ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Et c'était la quatrième étude, du moins, ou article que tu avais à propos des capteurs. Est-ce qu'il y a un recensement de tout ça sur le site de l'ITIS? Au moins, il y a la première dont tu nous as parlé. Oui, on peut en trouver quelques-unes sur itis.laval.ca. Sinon, vous pouvez vous amuser aussi à aller chercher avec le mot-clé capteur sur le site ofti.org, donc l'Observatoire francophone des technologies de l'information. Vous allez trouver ces articles-là et quelques autres aussi qui sont assez sympathiques. On enfile donc notre chandail de capteurs pour la semaine prochaine. Ce sera la dernière, donc, de 2014. Raymond Poirier, merci beaucoup. Sur le site de l'ITIS, on peut aussi réentendre tout ce qu'on fait. Évidemment. Oh yeah. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.